Chapitre 24e. Dans les mois qui suivirent, elle fit une autre découverte. Son employeur ne s'occupait que d'un seul de ses enfants, le premier-né, Jason. Il lui semblait que l'autre était transparent aux yeux de son père. Elle décida de s'en ouvrir à lui. « Monsieur, je vais changer Jason. Pouvez-vous vous occuper de Jeremy quelques instants ?»« J'ai affaire, » répondit Robert en s'éloignant. « Monsieur, oui, qu'y a-t-il encore ?» dit Robert en fronçant les sourcils. « Monsieur, je voulais juste vous poser une question. »« Eh bien, posez-la. En voyant votre air, j'ai l'impression que vous n'osez pas. »« C'est un peu ça, monsieur, pourtant. »« Très bien. Je voudrais savoir pourquoi vous vous occupez seulement du petit Jason et pas de son frère. » Soupirant fortement, Robert devint subitement silencieux. La brave femme insista. « Monsieur ?» Il se secoua et finalement répondit. Lorsqu'Aimée a mis au monde Jason, tout se passait bien. Ce n'est que quand le deuxième, comme vous dites, monsieur, a un nom. Le deuxième est aussi votre fils. Il s'appelle Jérémie. N'oubliez pas non plus que c'est votre femme qui lui a donné ce prénom. Furieux, Robert se détourna et reprit avant de claquer la porte derrière lui. C'est exact, madame, mais c'est aussi à cause de lui qu'elle est morte. La pauvre femme ne savait plus quoi penser. Le malheureux enfant n'était pas la cause directe de la mort d'Aimée, mais comment lui faire comprendre cela? Y parviendrait-elle seulement un jour? Bien sûr, il avait fait déjà tellement d'efforts. Peut-être fallait-il laisser le temps au temps. En attendant, elle se promit d'aimer et de s'occuper encore plus de ce petit Jérémie qu'elle chérissait tendrement. Les 3 premières années se passèrent pareillement. Robert ne faisait pas plus attention à Jérémie. Ce dernier ne comprenait pas pourquoi son père prenait son petit frère dans ses bras, jouait avec lui, l'emmenait se promener, lui achetait des cadeaux, et pas à lui. Robert donnait de l'argent à la nurse pour que celle-ci subvienne aux besoins de l'enfant, et c'était tout. Jérémie commença alors à devenir difficile. Il prenait les jouets de son frère et les fracassait contre le mur, ou les piétinait en hurlant. Cela s'envenima jusqu'à ce qu'un jour, les enfants avaient alors 3 ans. Elle vit Jérémie frapper violemment Jason. Elle décida de s'en ouvrir à leur père. La décision que prit alors son employeur la sidéra. Il téléphona à son père Julian et lui envoya Jérémie. L'enfant devrait rester aux États-Unis jusqu'à ce qu'il soit adulte. Cette décision était si cruelle, si injustifiée, que la brave femme songea à démissionner. Mais tout bien réfléchi, le pauvre Jérémie recevrait plus d'amour de son grand-père et serait sûrement plus heureux là-bas. Elle devrait, quant à elle, continuer à élever Jason. Elle resta donc au service des Emerson jusqu'à ce que ce dernier puisse se passer d'elle et aller à l'école. Robert, cependant, l'année précédente, avait rencontré Isabelle, jeune femme mariée et pas très heureuse en ménage. Robert voulut qu'elle divorçât. Ce fut alors une longue et pénible histoire pour tous les deux, mais le mari, finalement, voyant sa chère femme enceinte d'un autre homme, ne put qu'accorder le divorce. Robert ramena chez lui un soir de 1965 cette jeune femme timide et malheureuse. Lorsqu'elle vit Jason jouer paisiblement dans sa chambre, elle le prit tendrement dans ses bras, l'embrassa, le câlina. Voyant cela, Robert lui demanda officiellement si elle voulait devenir sa femme et la mère de Jason. Acceptant son offre en pleurant, elle fit part à son futur mari de sa grossesse. « Mon Dieu !» fit Robert. « Cela ne va pas recommencer. »« Tu ne voulais plus d'enfants, mon chéri ?»« Non, ce n'est pas ça, mais... » Il lui raconta comment la mère de Jérémie et de Jason était morte. « Et où est Jérémie ?»« Il est chez mon père, aux États-Unis. »« Pourquoi ?»« Je ne veux pas qu'il soit là. Je ne veux pas. »« Tu penses que c'est la faute de cet enfant si ta femme est morte » fit-elle interloquée. Oui, c'est de sa faute, et je ne veux plus discuter de cela. Il va falloir penser à toi, chérie. Je ne veux pas te perdre non plus. Leur première dispute eut lieu ce jour-là. Et si tu me perdais, tu reporterais toute ta colère sur le compte de notre enfant? Tu l'enverrais aussi aux États-Unis? Tu t'en débarrasserais comme tu l'as fait pour Jérémy? Tu es ignoble. Allons, chérie, ce n'est pas la même chose, et puis il ne t'arrivera rien, j'y veillerai. Isabelle se mura dans un mutisme qui ne laissait présager rien de bon. Quand le feras-tu revenir ici? Tu ne sais donc pas que cela est mauvais pour eux de vivre séparés? Je ne sais pas, répondit-il agacé, je n'en sais rien. Pour le moment, il est mieux chez mon père, nous verrons ça plus tard. De plus, ta théorie sur la séparation des jumeaux n'est pas vraiment incorrecte. Ils sont apparemment très heureux l'un comme l'autre et ne montrent aucun problème de quelque sorte que ce soit. N'en parlons plus, je t'en prie. Ah non, je veux éclaircir cette situation dès maintenant. Tu as l'intention de ne jamais le faire revenir, c'est ça? De ne jamais lui faire connaître son frère? C'est inacceptable. Mais enfin, chérie, nous devons dès à présent nous occuper de notre mariage et de l'enfant que tu portes. Nous verrons après ce que nous ferons pour Jérémie. Il n'en est pas question. Je refuse de t'épouser si tu ne me promets pas de faire revenir cet enfant ici. Isabelle, c'est insensé. Peut-être, mais c'est comme ça. Il soupira, resta un instant sans rien dire, puis tu ne reviendras pas sur ta décision, n'est-ce pas? Aucunement. Très bien, faisons un compromis. Il reviendra en France lorsqu'il sera adolescent et pas avant. Tu es si dur. Ma décision est prise, accepte-la, je t'en prie. J'ai fait un gros effort, ne m'en demande pas plus. Cette année-là, Isabelle mit au monde une petite fille que l'on prénomma Lisbeth. 3 ans plus tard, ce fut au tour d'un garçon que l'on appela Michael ou Michael. La même année, le frère de Robert eut un fils, Jonathan. Aux États-Unis, Jérémy s'adaptait très bien. Son grand-père, Julian, le faisait faire tout ce qu'il voulait, le laissait faire tout ce qu'il voulait. Cet enfant était si intelligent, brillant même, qu'il ne pouvait le brimer comme son propre père. Richard, qui avait perdu sa femme dans un accident de voiture la même année qu'elle avait mis leur fils au monde, adopta presque le fils de son frère. Julian était le patriarche de la famille et tout le monde décida de lui faire une grande fête pour son 90e anniversaire. Robert reçut un télégramme lui indiquant la date précise où ils étaient attendus. Robert, à contre-cœur, dut accepter d'emmener Jason. Il aurait voulu que les deux frères ne se rencontrent jamais. Lorsque les deux enfants se retrouvèrent face à face au ranch, ils restèrent un bon moment pétrifiés. Jason se retourna vers son père, quêtant une explication que celui-ci ne put lui donner. Âgés de 10 ans, ils étaient à même de comprendre. Ce fut Julian lui-même qui la leur donna. « Jérémy, voici ton frère jumeau, Jason. » « Pourquoi vit-il ici et pas avec nous ?» demanda Jason à Robert. Celui-ci pinça les lèvres et répondit difficilement. « Parce que je l'ai voulu ainsi. »« Oui, mais pourquoi ?» Robert commençait à s'irriter. « Les enfants ne posent pas ce genre de questions. C'est ainsi et c'est tout. »« C'est injuste, » fit alors Isabelle. Aie le courage de leur expliquer, ou quelqu'un d'autre le fera. Ce jour-là, tu perdras tes deux fils. » Robert tenta désespérément de rester indifférent et remit l'explication à plus tard, prétextant la fatigue du voyage. Les deux enfants, quant à eux, n'en demandèrent pas plus. Ils partirent à toute vitesse, et Jérémy, fier de son territoire, fit tout visiter à son frère. Pendant les 15 jours qu'il devait rester en Amérique, Robert vit souvent ses deux fils jouer ensemble. Ils s'entendaient à merveille, et quand l'un des deux faisait une bêtise, on était certain que l'autre se dénoncerait pour être puni lui aussi. Un matin de bonne heure, Robert décida d'aller visiter les puits. Il sortit un cheval et, apercevant son fils, lui enjoignit de l'accompagner. La promenade fut superbe. Robert plaisantait avec le petit et celui-ci riait aux éclats quand Robert lui demanda « Dis-moi, Jason, voudrais-tu aller à Houston avec moi demain ?» « Je dois aller à la banque, mais je n'y resterai pas très longtemps. Nous pourrions peut-être aller au cinéma après, qu'en penses-tu ?» Lorsqu'il regarda son fils, il vit 2 grosses larmes couler sur ses joues. « Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Je comprends pas. »« Je ne suis pas Jason, père. Je suis Jérémy, » répondit le jeune garçon en sanglotant. Robert se sentit tout d'un coup dans la peau d'un monstre. Il baissa la tête. « Écoute, Jérémy, mais le gamin, éperonnant son cheval, s'enfuit au grand galop vers le ranch. » Robert ne rentra pas tout de suite. Il voulait réfléchir. Pour la première fois depuis tant d'années, il s'aperçut qu'il était injuste. Cet enfant n'avait rien fait de mal. En fin de compte, c'était lui le responsable de la situation. Et si on allait plus loin dans le raisonnement, c'était lui qui l'avait conçu. Pourquoi donc tant lui en vouloir? Il n'avait pas tué Aimé, C'est le destin qui avait voulu que sa femme perde la vie en le mettant au monde. Oui, vraiment, il n'en était pas digne. Digne d'être le père de ce petit garçon aussi charmant que son frère. Qu'allait-il décider désormais? Comment réparer cette terrible erreur? Il rentra finalement au ranch à la tombée de la nuit. Toute la famille était attablée. Un grand silence se fit à son arrivée. Ils ne le regardèrent même pas, baissant le nez dans leurs assiettes. Robert vit les yeux rougis et gonflés de Jérémy, et un puissant remords lui tordit le cœur. Il s'installa aux côtés de sa femme et de son frère et commença à picorer dans son assiette. Au bout d'un moment, il se tourna vers Jérémy, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Ma proposition tient toujours, mon fils. » Le petit garçon éberlué lui répondit « Je ne suis pas Jason, père. Jason est assis à côté d'oncle Richard. « Je sais, mon fils. Je m'adresse à toi. » Un énorme soupir de soulagement fut poussé par tous les convives. C'était incroyable que cela arrivât si vite, mais enfin, après tant d'années, Robert avait compris qu'il avait deux enfants, et il était désormais prêt à l'assumer. Il fut quand même décidé que Jérémy resterait à faire ses études aux États-Unis et Jason en France. Mais Jérémy viendrait en France pendant les vacances. Cet accord parut mettre tout le monde d'accord, y compris les deux enfants.